Saltimbanque d'Alcool de Guillaume Apollinaire, enregistré pour LibriVox.org. Saltimbanque à Louis Dumur. Dans la plaine, les baladins s'éloignent au long des jardins, devant lui des auberges grises, par les villages sans église. Et les enfants s'en vont devant, les autres suivent en rêvant, chaque arbre fruitier se résigne, quand de très loin ils lui font signe. Ils ont des poirons ou carrés, des tambours, des cerceaux dorés, l'ours et le singe, animaux sages, quêtent des sous sur leur passage. Fin du poème, enregistré par Sonia. Cet enregistrement fait partie du domaine public.